cours numéro 19. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salat wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Fumada akhadna fi darsina al-akhir fi sharh al-lamiyya. Indaman, tfaddal. نعم ما يتعلق بالقدر فما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر تفضل الشقي والسعاد نعم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى قدر جميع الأشياء وجعل الناس على قسمين شقي أو أشقياء وسعداء Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété. Al-Qadar, na'am, ala arba'ati maratib. La yu'minu al-insan bil-Qadar, hatta yu'min bi-arba'ati umur. Hakada qala, Cheikh Mohammed waffaqahullah. Donc, quatre choses pour que ce iman bil-Qadar soit sahih. La première chose, Tawaddal, Ahsant, an Allah subhanahu wa ta'ala alima kullama kana wa kulluma sayakun. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe en ce moment et tout ce qui se passera. Hada. هذه هي المرتبة الأولى ما الدليل على هذه المرتبة اكمل تفضل إن الله بكل شيء عليم نعم قال عز وجل إن الله بكل شيء عليم ودليل آخر وهو السميع العليم نعم وهو السميع العليم المرتبة الثانية عندك الله عز وجل كتب كل شيء في كتابه نعم أن الله عز وجل كتب كل شيء في كتاب عنده عز وجل ما الدليل؟ الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نعم من قبل أن نبرأها ومن السنة دليل من السنة تفضل الحديث عبيد بن الصامت عبادة عبادة ابن صامت عن أن الله يعني قال لي القلم أكتب نعم القلم ما أكتب قال أكتب ما كائن إلى يوم القيامة نعم ما هو كائن إلى يوم القيامة أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فهذا دليل الكتابة فالله سبحانه وتعالى il a tout écrit dans un kitab tout ce qui se passera سبحانه وتعالى الثالث troisième chose المشيئة لا يحصل شيء من الخير والشر إلا بمشيئة الله أحسنت أنه لا يحصل أي tout ce qui se passe من خير أو من شر c'est بمشيئة الله أي الله il a voulu cette chose لحكمة عظيمة ما الدليل على هذا؟ تفضل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. لا dernière مرتبة عندما تفضل. نعم أن الله خلق كل شيء من الخير ومن الشر. الله لا تكري. ما الدليل أن الله سلوك يا تكري عز وجل تفضل قال الله تعالى إنما قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد أن يقول له إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون أحسنت وقوله عز وجل الآية الأخرى كلاسيتي والله أحسنت والله خلقكم وما تعملون فهذه Arba'a maratib la budda minha. Quatre choses. Le qadar, il est fondé sur ces quatre points. Al-ilm wal-kitaba. Allah, il sait tout. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera, tout ce qui se passe, tout ce qui est apparent, tout ce qui est caché. Subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Kadhalik, il a tout écrit. Comme dans le hadith al-qalam. Kadhalik, tout ce qui se passe fi hadha al-kawn, c'est bimashi'ati. C'est Allah qui l'a voulu. Si c'est un khayr, c'est wadih. Si c'est un shar, il y a une hikmah. L'an Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Et kadhalik, Allah, il a tout créé. Ces quatre choses, elles sont importantes. Et la croyance du musulman sur le qadar, elle est fondée sur ces quatre choses. Et dans ce livre, on a simplifié, on a résumé. Et dans d'autres livres, Inch'Allah ta'ala, Talibul ilm, il approfondit hada akthar. Man yaqra, qui c'est qui a appris la poésie yaqra? يا سائل عن مذهب وعقيدتي رزق الهدى من البداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكلم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع الآيات الصفات أميروها حقا كما نقل الطراز الأول وردوا عدتها إلى مقالها وصنها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر والمؤمنون يرون حقا ربه وإلى السماء بغير كيف ننزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأن منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم النجي وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه منك ويسأل. أحسنت. قال الإمام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. Dans ce vers de poésie, رحمة الله عليه, il cite ما يتعلق بالقبر. فتنة القبر, أي السؤال. وكذلك الشارح حفظه الله استطرا العذاب والنعيم. Donc cette étape, le qabr, c'est une étape azima après la mort. Et l'insan yus'al fi qabrih, des questions elles lui seront posées quand il sera dans sa tombe. Kadhalik, et ça s'appelle al-fitna, fitnatul qabr, ay al-su'al, les questions. Kadhalik المؤمن ينعم في قبره أي celui qui meurt على الإيمان على العمل الصالح فينعم il sera récompensé في قبره والكافر المجرم المنافق يعذب في قبره il sera châtié dans sa tombe والمؤمن كافر des معاصي كذلك il peut se faire châtier إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له قال جاءت الأدلة الكثيرة على أن العبد يأتيه ملكان فيسألانه في قبره عن ربه ودينه ونبيه. Deux anges, Munkar wa Nakir, ils interrogeront ce mort dans sa tombe et ils lui poseront ces trois questions: من ربك وما دينك وَمَنْ نَبِيُّكْ. Et on détaillera qalilan dans le hadith qu'il a cité, hadith al-Bara, radiyallahu ta'ala an. وَعَلَىٰ أَنَّ عَمَلَهُ يَكُونُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ. Et ça, ça montre l'importance de l'amal des œuvres. Comme ça y a-t-il ma'ana fil hadith, incha'Allah, أَنَّ هَذَا الْعَبْدِ, il sera accompagné par une personne, et cette personne, c'est ses œuvres. Ses œuvres, ils prendront forme d'une personne. فَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ عَمَلًا صَالِحًا, cette personne, elle aura un wajh tayyib, une odeur tayyib. Et si c'est al-aks, ay amal sayyi, kufr wa shirk wa bid'a wa khurafat wa ma'asi, ça sera une personne avec une mauvaise apparence. Donc ces a'mal que tu fais, ayyuha al-muslim, tu trouveras al-fa'ida, tu profiteras incha'Allah ta'ala fi al-qabr, qabla yawm al-qiyama. Et كذلك tu en profites fi al-dunya. قال ومن أحسن هذه الأدلة سياقا حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه عند أحمد وابن أبي شيبة, أحمد في المسند, ابن أبي شيبة في المصنف, وهو حديث طويل وفيه إلا رزومي, حديث طويل لكن إلى سيتي ما يتعلق بالقبر, أي ce qu'on a besoin nous, dans ce passage, dans ce vers de poésie, mais ce qui est lié avec la tombe. Fihi qal, ay qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam, fatu'ad ruhuhu fi jasadih. Donc son âme, elle reviendra dans son corps. Après être montée fi sama, l'âme du mu'min, les portes de sama s'ouvriront et cette âme, elle montera. Ila an yasha Allah, l'âme du kafir, les portes des cieux, elles ne seront pas ouvertes. فبعد ذلك فتعاد روحه في جسده, أي son âme elle revient dans son corps. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك, ثم deux anges ils viennent عند هذا المقبور الميت, أي cette personne qu'on vient d'enterrer, deux anges ils viendront, ils la font asseoir, ثم يقولان من ربك, أي c'est qui ton رب, فيقول ربي الله, المؤمن il répondra avec cette réponse, ربي الله, et il est sûr de lui, les efforts qu'il a fait في الدنيا, cette aqida qu'il a appris, ce iman qu'il a préservé, il lui sera utile في قبره, ربي الله, et son رب c'est Allah عز وجل. فيقولان له ما دينك, c'est quoi ton دين, فيقول ديني الإسلام, أي ما religion c'est l'islam. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم, أي c'est qui cet homme qu'on vous a envoyé ou qui vous a été envoyé. فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا سامؤمن, يؤمن بالله ويؤمن بالرسول ويؤمن بدين الإسلام il l'applique, هذا ولله الحمد il répondra. فيقولان له ما علمك, أي كي سي كي تا انفورمي أنه سرسول الله, فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به, j'ai lu le livre d'Allah عز وجل, j'ai cru et كذلك il a attesté que c'était véridique, مؤمن. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. Donc ce croyant il a dit al-haq et il est mort à al-haq, فَيُقَالُ لَهُ صَدَقَ عَبْدِ, et mon serviteur il a dit la vérité, فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, et une fenêtre lui sera ouverte, إِلَى الْجَنَّةِ, l'odeur de l'jannah elle viendra à lui, كذلك il sera habillé avec des habits min al-jannah. Hada jaza al-mu'minin. Qala waftahu lahu baban ila al-jannah wa ya'tihi min tibha wa ruhiha wa yufsah lahu fi qabrihi mudda basari. Kadhalik sa tombe elle sera élargie à perte de vue. Fa il sera fi raha. Il sera fi na'im. Tous ses efforts qu'il a fait fi dunya, al-an après sa mort mubashara, la récompense, elle commence. فَلِهَذَا أَخِي الْمُؤْمِنِ On doit tout faire pour حَقَّقْ ces trois أَسْئِلَ لِأَنَّ الْعَاقِلِ comme on a souvent répété الْعَاقِلِ فَضْلًا عَنِي الْمُؤْمِنِ s'il sait qu'il a un examen à passer, il fera tout pour se préparer. فَنَحْنُ الْآنُ On est tous concernés par هذا. Trois questions. Chacun qui meurt, il devra répondre. مَنْ رَبُّكْ وَمَا دِينُكْ وَمَا هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ أو مَنْ نَبِيُّكْ On doit faire des efforts sur cela. وَعْلَمْ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمْ لَا يَنْفَعَ الْكَذِبُ Le mensonge, c'est d'aucune utilité. L'insan, il est wahda. Et لا يستطيع أن يكذب أو tricher أو أبدا. C'est son iman qui parle. Est-ce qu'il croyait vraiment enfin, il répondra. Mais celui qui a des doutes, c'est يَأْتِ مَعَنَا أَنَّهُ il dira هَا لَا أَدْرِي Et je ne sais pas. لماذا لأن il a pas consacré son temps à هذا, il a fait aucun effort. والجزاء من جنس العمل. Le jour où il aura le plus besoin de répondre, vu qu'il a pas fait d'effort fait dunya par rapport à ces trois points, الأصول الثلاثة qu'il a expliqué Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, il a donné aucun effort. Le jour où il aura le plus besoin, il pourra pas répondre. قال وافتحوا له بابا الى الجنه وياتيه من طيبها وروحها ويفسح له في قبره مد بصره وياتيه رجل حسن الوجه ثم un homme viendra avec un beau visage حسن الثياب avec des beaux vêtements طيب الريح une bonne odeur فيقول ابشر بالذي يسرك et il lui annonce la bonne nouvelle ابشر هذا يومك الذي كنت توعد c'est ça le jour qu'on t'avait promis فوعد الله حق فالمؤمن il a pas le droit d'avoir des doutes فنحن on lit ces hadith c'est pas pour passer le temps ou des histoires là ces hadith c'est une aqida on doit être sûr aucun doute ان هذا اليوم il arrivera et cette certitude elle doit impliquer العمل cette certitude elle doit impliquer des efforts قال فيقول من أنت أي المؤمن أي ce mؤمن qui a été enterré après sa mort il demandera à cet homme من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير أي ton visage il annonce la bonne nouvelle فيقول أي الرجل il répondra au mؤمن أنا عملك الصالح أي je suis tes œuvres فلهذا المؤمن كلما il fait des efforts dans son دين في العمل Et patience, t'es pas perdant. Pense à ce jour. Tu oublies la récompense ou tu vois pas la récompense directement. Lakin, هذا العمل c'est لله. Et nous, on espère la récompense fait l'akhirah. On n'applique pas pour avoir de l'argent ou pour être récompensé directement fi dunya. Là, pas forcément. Là, on espère la récompense fi l'akhira. Et كذلك Allah subhanahu wa ta'ala facilite au mu'min fi dunya. قال أنا عملك الصالح فيقول أي المؤمن il dira après avoir entendu et vu cet homme فيقول ربي أقيم الساعة أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. Le mu'min il sera pressé que l'heure elle arrive. Aïe, le jour où les personnes elles seront ressuscitées min quburihim. Pourquoi? Li'annahu il a vu la récompense. Et il sait qu'il est mort à la khayr. Il a répondu aux questions. Donc il sait que ce qui viendra après c'est a'zam. Aïe, al-jannah. Li'anna al-jannah c'est encore plus grand que ma yata'allaq bi al-qabr. Al-jaza il est a'zam. La récompense elle est beaucoup plus grande. Enfin, ce mu'min, il est pressé que Allah subhanahu wa ta'ala il ressuscite les morts hatta il rentre fil jannah. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. وفيه dans le hadith كذلك أنه قال في العبد الكافر. Il résume la deuxième partie du hadith par rapport au kafir. فتعاد روحه في جسده. كذلك son âme après que les portes de Sama lui ont pas été ouvertes, son âme, elle revient dans son corps, وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فيجلسانه فيقولان له من ربك. Donc les deux anges viendront et lui diront من ربك. فيقول ها ها لا أدري. Il a fait aucun effort. كيف الآن il va répondre. Allah subhanahu wa ta'ala, il est hakim. حكمه il est fondé sur l'adl. ولا يظلم أحد عز وجل. Le mu'min qui a fait des efforts, il est récompensé. Al-kafir qui a fait aucun effort, bel, il a combattu, il se moquait. Il donnait aucune importance. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Hatta il se pose la question, qui c'est qui va ressusciter ce mort alors que ses os sont devenus poussière. Aïe, pas d'iman. وَبَعْضُهُمْ يَسْمُوكَ كَمَا تَعْلَمُونَ. بَعْضُهُمْ يَكُمْبَاتُ. Et ce jour-là, ça commence les comptes. Cette question, elle est très simple pour le mu'min. Il a fait des efforts. Et pour le kafir, il ne pourra pas répondre. Ha ha la adri. Fayaqulana lah, ay al malaka, ma dinuk, c'est quoi ton din? Fayaqul ha ha la adri. Vous avez remarqué que hatta son din batil, il ne peut pas le répondre avec. أنه je suis kada ou kada comme يفعلون الآن. أنهم ils ont des principes, ils ont des croyances qui contredisent l'islam et ils s'en vantent. أما في القبر لا, il peut pas répondre. Il peut pas répondre بالحق. لأنه il a pas suivi الحق. Et son batil lui est d'aucune utilité. فيقول ها ها لا أدري. Il sait plus. وهكذا الكافر. هكذا الكافر لا تغتر. On doit pas être impressionné par le kuffar حالهم. أنهم ils sont à la chaye, أنهم ils ont des principes, أنهم ils ont rien du tout. فلهذا في القبر ce kafir il répondra هكذا ها ها لا أدري. قال فينادي مناد من السماء. Il a pas répondu الآن. الآن ce test, ces questions, ce kafir il a été créé que pour ça. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Enfin, le passage sur terre il l'a passé. Allah alam kam, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Al-Muhim, ce passage sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné. Et il lui a montré, il lui a envoyé un messager. L'islam, il est propagé. Il a combattu. Et il a refusé. Il est mort. Les comptes, ils commencent. Il ne peut pas répondre. Fayunadi munadil minas sama. Une voix minas sama. Afrishu lahu minan nar. Al-An, ce kafir, vu qu'il n'a pas répondu, فَيُفْرَشْ لَهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُهُ مِنَ النَّارِ. Des vêtements مِنَ النَّارِ, un tapis مِنَ النَّارِ. وَفْتَحُ لَهُ بَابًا إِلَ النَّارِ. كذلك une porte, une fenêtre qui s'ouvre en direction de النار. قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا. La chaleur مِنَ النَّارِ, elle viendra dans la tombe de ce kafir. وَيُضَيِّقْ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفْ عَلَيْهِ أَضْلَاعُهُ. Contrairement au mu'min. Le mu'min, il a fait des efforts fi dunya. Il s'est privé de certaines choses. Il a patienté. فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dans sa tombe, une des premières récompenses, أَنَّهُ lui élargit sa tombe, à perte de vue. Et avec les récompenses qu'on a citées. Al-Kafir, vu qu'il n'avait aucune limite fi dunya, فَفِي الْقَبْرُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى il rétrécit sa tombe, elle se resserre contre lui, hatta takhtalif alayhi adla'u, ses côtes elles se brisent tellement que le qabr il va se resserrer contre lui, iyadam billah. Tout ça pour quelques années, tout ça pour mata' qalil, tout ça pour des choses. Il a fait des efforts, ce qu'il a fait, et à sa mort il a tout laissé. Il est dans sa tombe et c'est le début, et ses biens, ses enfants, tout ce qui est lié à dunya, c'est resté sur terre. Et Hua, il est tout seul dans sa tombe. Fakhassara. Qala fayatih, ou qara'na, wa yatih, na'am, rajulun qabihul wajh. Thumma, un homme avec un wajh qabih. Un mauvais visage. Qabihul thiyab. Des vêtements كذلك. Qabiha. Fayaqul, abshir billadhi yassu'uk. Et il lui annonce la mauvaise nouvelle. هذا يومك الذي كنت توعد. C'est ce jour qu'on t'avait promis. Ce jour, tu te moquais, tu croyais pas, tu pensais que ça allait pas arriver. Enfin, c'est ça, ce jour-là, l'un, tu es en train de le vivre. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. Et il va se poser, il va lui poser cette question. Man ant? À cet homme. Et ton visage, c'est un mauvais visage. Qala fa yaqul ana 'amaluka al-khabith. Ça c'est min adlillah 'azza wa jalla. أنه son عمل il était خبيث فسون عمل il accompagnera في قبره لأن son عمل c'est lui qui l'a fait, c'est lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré الحق, il lui a montré le خير, et ce كافر il a choisi الشر. فالله سبحانه وتعالى يجعل هذا الرجل معه في قبره, أي cet homme il sera avec lui في قبره حتى تقوم الساعة, حتى تقوم الساعة. فيقول ربي لا تقوم الساعة, ربي لا تقوم الساعة. Ce kafir, il voudra pas que l'heure elle arrive. لماذا؟ لأنه il sait كذلك que ce qui arrive ça sera encore plus terrible, ça sera plus douloureux. Il préfère rester في هذا الحال مع أنه il est في نار, أنه il est في ضيق, أنه il est avec cet homme qui a une mauvaise odeur, des mauvais habits, etc. لكن il voudrait rester dans ce cas, dans ce hal, dans cette situation, les annahu, il sait que ce qui l'attend c'est ashad. Et on va voir certains versets, certains hadiths fi hada inshallah. Qala hafidhahu Allah, unzur as-sahih al-musnad li walidina wa shaykhina al-allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Al-hadith, na'am, il est sahih. Wa su'al al-malakayn fi al-qabr وفتنته تشمل كل شخص إلا من استثناه الله أو إلا من استثناه الدليل وقد جاءت الأدلة باستثناء بعض الأنصاف منهم. Ce hadith qu'on a vu s'englobe tout le monde, al mu'minun wal kuffar, sauf certains, on a des preuves annahum, ils n'auront pas à répondre à ces questions. Trois catégories que Cheikh Mohammed Hafidhahullah va citer avec l'adil. Une autre mas'ala kadhalik, est-ce que ces trois questions elles sont réservées que pour cette umma amla? Ay ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minun wal-kuffar, ummat al-da'wa. Ou est-ce que kadhalik les communautés avant nous, le peuple de Moussa, le peuple de Isa, le peuple d'Ibrahim kadhalik, est-ce que ces questions leur sont posées, leur ont été posées plutôt dans leur qabr? Inch'Allah, il a cité cette mas'ala dans la page suivante. On commence awalan bihada, les catégories qu'ils ont été ou qu'ils n'ont pas à répondre. On ne leur posera pas ces questions, elles ne leur seront pas posées. Awalan al-anbiya fa innahum la yus'alun bal hum yus'alu anhum. Hada c'est clair, les prophètes et les messagers. Pourquoi? Les anna leur peuple, ils sont interrogés sur eux. Eux, ils ne sont pas interrogés. كما جاء في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون فبي تفتنون وعني تسألون. Donc, الأنبياء, ils sont في الجنة et ils sont في نعيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donnera pas à ces deux anges de leur poser ces questions. وقد صححه شيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند فرحمه الله ورضي عنه. فالشيخ مقبل il a صحح هذا الحديث. Deuxième catégorie, الشهداء, les martyrs. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. لأن الشهيد il a déjà subi une fitna في الدنيا, أنه il a combattu في سبيل الله, et c'est une énorme épreuve, et il s'est fait tuer في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة, أي les combats qu'il a subi بالسيوف avec les épées ça lui suffit comme fitna. رواه النسائي من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, أي أن homme parmi les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. وهذا الإبهام لا يضر كما تقدم معنا في البيقونية, أي le fait de ne pas savoir ce qui cet homme, il n'y a aucun mal. لأن la base dans un hadith, dans une chaîne de transmission, on est obligé de savoir c'est qui cette personne. حتى on pourra savoir sont, est-ce qu'elle est min al-udul, est-ce que c'est une personne de confiance, est-ce qu'elle a mémorisé, est-ce qu'elle propage, etc. Lakin, as-sahaba, on n'a pas besoin. Tant que c'est un sahabi, as-sahaba, c'est tous des personnes de confiance, radiyallahu anhu. فَلِهَدَ لَا يَدُ الرَّجُلُنْ مِنْ أَصْحَابِ نَبِي صلى الله عليه وسلم. Même si on ne sait pas c'est qui, tant que c'est un compagnon, ça suffit. فَالْحَدِيثِ قَالْ إِسْنَادُهُ حَسَنْ وَصَحَّحَهُ الْإِمَامِ الْعَلَّامَ الْأَلْبَانِي رَحِمَهُ اللَّهِ فِي صَحِيحِ النَّسَائِي. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a sahah ce hadith. Donc deuxième catégorie, les martyrs. Troisième, Al-Murabitoun. وَهُمُ الَّذِينَ يَحْمُونَ وَيَحْرُسُونَ الْبِلَادِ عِنْدَ الثُّغُورِ مِنْ أَعْدَاءِ الْمُسْلِمِينَ. Al-Murabit, c'est celui qui fait Al-Ribat. Ou Al-Ribat, c'est le fait de rester dans un endroit pour surveiller quelque chose qui appartient aux musulmans. Comme il y a fil jihad. Matalan, mu'min, il surveille cet endroit et il se fait tuer. Fahada, kadhalik, il sera épargné de ces questions. Faqad thabata fi sahihi muslim, an Salman, radiyallahu anhu, qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان الشاهد وأمن الفتان أي il sera préservé de cette fitna, de ces questions. أما autre que ces trois catégories, les prophètes, les martyrs, ou les murabitoun, autre que ha'oula, ils seront interrogés. Pour conclure, Cheikh Mohamed, il a cité mas'alatan, deux mas'a'il, deux questions. Al-oula, hal as-su'al fil qabr lil-ruhi am lil-badan. Est-ce que les questions fil qabr, c'est des questions pour qui sont posées à l'âme ou au corps? Et ça, c'est des questions qui sont détaillées dans les livres suivants. La kilabas naqra. Qala ibn Abi al-Izz rahimahullah wa laysa as-su'al fi al-qabr lir-ruhi wahdaha kama qala ibn Hazm. Ça c'est un khata. C'est l'âme qui sera interrogée. Et pas le corps. Là. وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح. Hey, cette question sera posée à son corps et pas à son âme. هذا c'est أبعد, c'est encore plus grave. والأحاديث الصحيحة ترد القولين. نعم. أن cet homme il sera interrogé ou cette femme son âme et son corps. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ المسألة للبدن بلا روح قول طائفة من الناس وأنكره الجمهور وكذا السؤال للروح بلا بدن قاله ابن ميسرة وابن حزم أنكره الجمهور فالقول هذا خطأ قال ابن أبي العز رحمه الله إذا سيتي القول الصحيح regardez الكتاب أقرأ regardez suivez profitez les cours. Quand on lit en arabe, profitez un tome. Anna, vous suivez Ma'i. Anna, vous allez profiter en langue arabe. Kadhalik. Si tu ne comprends pas un mot, note-le. Ou mets un signe à la fin du dors si tu demandes. Hada, c'est muhim. Kadhalik, on avait nabbah nos frères dans le dors en arabe. Anna, quand le mudarris parle, la taktubu. N'écrivez pas quand le mudarris parle. Écoutez. Tu n'as pas besoin d'écrire. Tout ce qu'on cite, c'est fil kitab. Al-Kitab, il est amamak. Vous avez remarqué qu'on ne rajoute rien. Enfin, suivez en arabe, c'est aham, c'est amfa. Et si tu n'as pas compris quelque chose, à la fin, vous demandez, tayyib. Enfin, regardez tous Al-Kitab et rapprochez-le de vous. Ara annahu, rupama il est ba'id, et suivez. Ma'i. Amma ana akra et wahadi, regarde ailleurs, wahadi aktub, la yasluh. Qala ابن أبي العز رحمه الله وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها. Chaque demeure a des ahkam. Par exemple, la dunya, il y aura des choses qui seront spécifiques à ce bas monde. Dans la tombe, il y a des choses qui sont spécifiques au bas monde. Fil jannah kadhalik. Et hada c'est tayyib pour comprendre. Ibn Abi al-Izz rahimahullah, il veut te montrer, n'essaie pas de comparer ce qui se passe fait dunya avec al-qabr. Liannahu sayati wahid wa yaqul wahid, il peut se poser la question et il peut se dire, mais si cet homme ou cette femme il meurt brûlé vif, il n'a plus de corps. Ah oui, il se noie, il se fait manger par les poissons. Son corps, il est madri, il est brûlé. Ou muhim, on ne retrouve pas son corps. Ahkamu al-barzakh, ce n'est pas comme le dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ala kulli shay'in qadir. On s'éloigne de ces comparaisons. Deux choses différentes, n'essaie pas de les comparer. Ahkam al-dunya, ce n'est pas ahkam al-akhirah. وَرَكَّبَ هَذَا الْإِنسَانِ مِنْ بَدَنْ وَنَفْسِ. Allah, il a créé cet homme et cette femme d'un corps et d'une âme. وَجَعَلَ أَحْكَامِ الدُّنْيَا عَلَى الْأَبْدَانِ وَالْأَرْوَاحِ تَبَعُنْ لَهَا. أما في الدنيا فالأحكام, c'est sur le corps et l'âme, elle suit. Maintenant, si tu reçois un coup, tu vas le recevoir sur ton corps. ثم tu vas ressentir une douleur. وَجَعَلَ أَحْكَامَ الْبَرْزَخِ عَلَى الْأَرْوَاحِ وَالْأَبْدَانِ تَبَعُنْ لَهَا. في البرزخ, dans la tombe, c'est l'inverse. الأرواح أي لام et le corps il suit. فإذا جاء يوم الحشر للأجساد وقيام الناس من قبورهم, أي quand Allah سبحانه وتعالى il ordonnera de que ces morts Allah سبحانه وتعالى il fera revivre les morts. فقال صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا يوم القيامة. فالأحكام c'est sur l'âme et le corps. لأن الله سبحانه وتعالى il fera revivre les morts. انتهى. المهم الصحيح c'est قول أهل السنة أن السؤال إلى على الروح والبدن. Deuxième question, هل سؤال الملكين خاص, هل سؤال الملكين خاص لهذه الأمة أم هو لها ولغيرها من الأمم. Est-ce que ces questions, c'est que pour cette communauté, et depuis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé, ou كذلك les peuples qui étaient avant. فيه ثلاثة أقوال, الخصوص والعموم والتوقف. فخلاف أن بعضهم, ils ont dit que c'était que pour cette communauté. D'autres, ils ont dit, c'est pour tout le monde. D'autres, ils ont dit, Allahu a'lam. On a des adila sur cette communauté, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, amma avant nous, Allahu a'lam. قال ابن ابي العز وهذا امر لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص والله اعلم. نعم, on n'a pas un dalil qui montre est-ce que c'est réservé pour cette communauté ام لا. لكن القول الاقرب, اي le قول qui paraît le plus évident, c'est que c'est global, c'est pour tout le monde. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ابن القيم جنح إلى ترجيح العموم لغير هذه الأمة, وأنه قال ليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدم من الأمم. قول ابن القيم إلى الطيب أن لأحاديث كي montre que cette أمة, la أمة du prophète صلى الله عليه وسلم, elle sera interrogée sur son prophète, ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas interrogés. Là, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a informé parce qu'on fait partie de sa communauté. Ça ne veut pas dire que ceux d'avant ne seront pas interrogés. فسو قول سل قول الصحيح إن شاء الله. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بكيفية امتحانهم في القبور لا أنه نفى ذلك عن غيرهم. نعم, on n'a pas un dalil أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ceux d'avant vous ils n'ont pas été éprouvés, ils n'ont pas subi cette fitna dans leur tombe. Et ces questions, on n'a pas de dalil. قال والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك. Ça c'est l'avis d'Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Aïe, chaque communauté elle est interrogée sur son prophète. فيعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. نعم, فالقول هذا il est أقرب. وبعضهم ils ont dit c'est خاص pour cette communauté. نقرأ الأدلة إلى terminer avec les preuves sur العذاب والنعيم. لأن tout ce qu'on a lu الآن c'est sur الفتنه, sur les questions. الآن à partir de maintenant il va citer les preuves sur العذاب أو النعيم, أي le châtiment أو les délices de la tombe. قال وأما عذاب القبر ونعيمه فالأدلة متكاثرة عليه في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أين عذاب القبر أو نعيم القبر في هذه الآية. العلماء citent ce verset pour te montrer que le châtiment de la tombe c'est حق. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أين العذاب, عذاب القبر في هذه الآية؟ تفضل. لا عندك غدوا وعشية, أين العذاب؟ ça veut dire quoi غدوا وعشية؟ تفضل. غدوا نعرف وعشية matin et soir, فأين العذاب؟ ها عندك لا أين العذاب؟ il est où le عذاب de le قبر dans ce verset؟ عندك أحسنت. أن الله عز وجل إلى ست النار العذاب avant يوم القيامة. النار يعرضون عليها غدوا وعشية, أي ils seront présentés au feu nuit et jour dans la tombe. ثم قال عز وجل ويوم تقوم الساعة, le jour du jugement, أدخلوا آل فرعون, le jour du jugement, faites rentrer فرعون et ses suiveurs, أشد العذاب, أي في النار, en enfer. Ça te montre que le premier adab c'est pas l'enfer. Là, ils vont goûter un châtiment dans la tombe. ثم, quand Allah il les ressuscitera et ils seront jugés, ils rentreront ila ashad al-adab. Fa ashad al-adab c'est nar, et an-nar yu'radun 'alayha c'est adab al-qabr. Wa qala ta'ala mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara fa lam yajidu lahum min dunillahi ansara fa udkhilu nara. Wa qala ta'ala sanu'adhibuhum marratayn ثم يردون إلى عذاب عظيم. Le même istidlal que le premier verset. سنعذبهم ثم قال عز وجل ثم يردون. Et ensuite, ils goûteront un عذاب عظيم. Ça montre que le premier عذاب c'était في القبر. تستفيد كذلك من هذه الآيات أن le deuxième عذاب, أي l'enfer, c'est أشد. C'est plus grave que, c'est plus douloureux que la tombe. C'est pour ça que dans le hadith, الكافر dira ربي لا تقوم الساعة. C'est par rapport à هذا. وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. Ça montre العذاب عند الموت. قال اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فسموضخ أن هذا الإنسان يعذب والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم. أي quand son âme lui sera retirée, فيبدأ العذاب. ثم في القبر comme on a vu dans les أحاديث. وأما من السنة فالأحاديث متكاثرة جدا, منها حديث البراء رضي الله عنه الذي تقدم. On a vu ensemble le premier hadith, hadith البراء في فتنة القبر. كذلك ستسيتي النعيم والعذاب. وقد جاء أيضا عذاب القبر وفتنته في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما, وجاء في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فقال يهود تعذب, يهود تعذب في قبورها. النبي صلى الله عليه وسلم il a entendu un bruit et il leur a dit يهود, et c'est les juifs, ils se font châtier dans leur tombe. الحديث il est في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان. النبي صلى الله عليه وسلم il est passé devant deux tombes et il leur a dit ils se font châtier. Il a dit à ses compagnons ces deux personnes qui sont enterrées, elles se font châtier. فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. Ils se font châtier et ils ne se font pas châtier pour quelque chose de, d'énorme. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima. Amma un d'eux, il faisait de la médisance. Wa amma al-akhar fakana la yastathir min bawli. Et le deuxième, quand il urinait, il ne se nettoyait pas. Et ça, ça montre que هذه الأمور من أسباب العذاب في القبر. والمسلم fait des recherches et il se renseigne et il demande c'est quoi les causes pour éviter l'adab et c'est quoi les causes qui peuvent emmener la personne à se faire châtier. Et on avait expliqué walillahilham dans une kalima adab al-qabr ou une kalima sur le qabr et on avait cité walillahilham ma yata'alak bihada bittafsil et ahl al-ilm il détaille hada dans l'explication de ce genre de hadith. وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال si j'avais peur ou si j'avais pas peur que vous délaissiez le fait de vous enterrer, j'aurais demandé à Allah عز وجل qu'il vous fasse entendre عذاب القبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم il savait que si on entendrait Adab al-Qabr, enfin, personne de nous voudra enterrer son proche. Il y a, tu sais ce qui l'attend, ou ce qui peut l'attendre. On n'entend pas Adab. Est-ce que cette personne elle va croire en Allah Azza wa Jal sans entendre? Il y en a une fois que tu entends ou tu vois, c'est plus l'iman bil-ghayb. Imagine, tout le monde verrait le Jannah, tout le monde verrait le Nar, tout le monde verrait l'Adab, tout le monde va croire. Lakin, cette demeure, c'est dar ibtila. Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé un message et un livre. Et khabaruhu c'est haq. Est-ce que tu vas croire, amla? C'est pour ça que le mu'min, il n'a pas besoin de voir. Tant que le khabar il est sahih, anillahi azza wa jal, ou an rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un verset du Coran ou c'est un hadith, il croit. C'est pour ça, la tartarru. Les kuffar, ils ont des choses, des méthodes pour éloigner un mu'minin. Et parmi ces choses, certaines photos, elles apparaissent de temps à autre. Un tel, il s'est fait châtier dans sa tombe et il les propage sur Internet. Hada, il écoutait de la musique. Hada, il faisait telle chose. Et il monte des photos. Annahum, ils l'ont retrouvé brûlé. Annahum, il a reçu des coups. La tartarru bihada. Hada, c'est min al-kadib. Un mu'min, il n'a pas besoin de hada. Pourquoi ils font hada? Tu dois voir loin. Le jour où tu peux être confronté à déterrer un mort et tu ne trouves rien. Celui qui a l'habitude d'accrocher sa foi avec ce qu'il voit, il peut avoir des doutes. Il va dire, au fil-haqiqa, il ne se fait pas châtier, je ne vois rien. Ah oui, il va accrocher son iman avec ce qu'il voit. Comme il y a al-kuffar. Je ne crois pas tant que je ne vois pas. C'est leur aqida. Amma nahnu la. On croit si un délit, même si on n'a pas vu. C'est pour ça que Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est monté dans les cieux, l'Isra ou le Mi'raj, et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est revenu le lendemain, et il a informé Quraysh, annahu, cette nuit il est parti, il a masjid al-Aqsa, min Mecca, alors que c'est une distance, à l'époque, il leur fallait minimum 2 mois, 3 mois, Allah a'lam, l'aller-retour. Mouhim, plus d'un mois. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain, il leur a dit, cette nuit, je suis parti masjid al-Aqsa et je suis monté dans les cieux. Et j'ai vu telle chose. Kuffar Quraysh, ils se sont rassemblés et ils se moquaient. Thumma, ils ont rencontré Abu Bakr. Et ils ont dit à Abu Bakr, ya Abu Bakr, est-ce que tu es au courant de ce que ton ami il dit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, il n'était pas au courant. Et ils lui ont dit, il dit kada wa kada, et d'un coup, il a fait kada. Abu Bakr قال, si il vous l'a dit, c'est que c'est vrai. Sal iman. Est-ce qu'Abu Bakr il a vu? Il n'a même pas vu, il n'était même pas au courant. Lakin, quand il a su que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si vous l'a dit, c'est que c'est haq. Hakada al-mu'min. Amma nahnu al-an, ba'dhum yu'alliq imanahu avec ce qu'il voit. C'est pour ça que quand il voit ces photos, ba'dhum ils sont contents, ils les propagent. Là, on n'a pas besoin de hada. Nahnu sa hadith qu'on vient de lire, on est sûr. Li'annaha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe. Qala, wa fi s-sahihayn, an ibn Umar radiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. Chaque matin et chaque soir, sa place lui est présentée, إما في الجنة إما في النار. Il est dans sa tombe. وفي الدعاء المشهور اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء ومن فتنة المسيح الدجال، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وانفرد به مسلم عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. هذا دعاء مهم، المسلم يدعو في الدعاء كثيرا خاصة في التشهد الأخير avant التسليم، إفاء هذا الدعاء إلى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد منه ومن عذاب القبر، أي المؤمن يدمد بروتكسيون كونتر عذاب القبر. والذي دلت عليه هذه الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة هو الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة، فيرون أن الميت إذا مات يكون في نعيم وعذاب، وإن ذلك يحصل لروحه ولبدنه تبعا، وهذا تقدم. وخالفت المعتزلة ومن وافقه من الفلاسفة وغيرهم وأنكروا أن يكون في القبر نعيم وعذاب. المعتزلة كذلك الفلاسفة أي الفيلوزوف وكذلك الملاحدة لزاتي يزون رجتي هذا. Pourquoi كما تقدم لأن pour eux ils n'ont pas vu، donc pour eux ce qu'ils voient pas ça existe pas، عياذا بالله. وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة من بقاء الروح بعد فراق الأبدان في نعيم أو عذاب. والعذاب والنعيم يكون كما تقدم على الأرواح والأبدان تبعا لها. نعم، le châtiment ou les délices de la tombe، l'âme elle en profite، et كذلك le corps. يقول تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما عصاة المؤمنين، أما الكافر ف nuit et jour il se fait châtier dans sa tombe عياذا بالله. أما المؤمن كافر دي بيشي، وأما عصاة المؤمنين فقد يدوم وقد لا يدوم. أما عصاة المؤمنين ça dépend de ses péchés، ça peut être un châtiment régulier، ça peut être un châtiment temporaire، ça peut être douloureux à un moment. المهم أنه si Allah subhanahu wa ta'ala lui a pas pardonné فإل le châtiera par rapport à ses péchés. قال حسب أعمالهم وعفو الله عنهم ومن احترق أو أكلته السباع أو غرق في البحر. كذلك أن ceux qui sont morts brûlés، on n'a pas retrouvé leur corps، ou ils sont morts noyés، on n'a pas pu les enterrer. قال وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبول. كذلك s'il mérite le châtiment il se fera châtier. والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة المهمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى. ريفيزي هذا سي مهم، ريفيزي لي بروف من الكتاب من السنة، réviser عقيده السلف par rapport à العذاب والنعيم، réviser كذلك le dalil sur les trois questions، كذلك ceux qui seront épargnés de ces questions. Alhamdulillah.